Comte d'Hoffmann. Gluck. La fin de l'été a souvent de beaux jours à Berlin. Le soleil perce joyeusement les nuages et l'air humide, qui se balance sur les rues de la cité, s'évapore légèrement à ses rayons. On voit alors de longues files de promeneurs, un mélange chamarré d'élégants, de bons bourgeois avec leurs femmes et leurs enfants en habit de fête, d'ecclésiastiques, de juifs, de filles de joie, de professeurs, d'officiers, de danseurs, passer sous les ailes de tilleuls et se diriger vers le jardin botanique. Bientôt, toutes les tables sont assiégées chez Klaus et chez Weber. Le café de chicorée fume en pyramide tournoyante. Les jeunes gens allument leurs cigares, on parle, on dispute sur la guerre ou la paix, sur la chaussure de Madame Bettmann, sur le dernier traité de commerce et la dépréciation des monnaies. Jusqu'à ce que toutes les discussions se perdent dans les premiers accords d'une ariette de Fanchon, avec laquelle une harpe discorde, deux violons fêlés et une clarinette asthmatique viennent tourmenter leurs auditeurs et se tourmenter eux-mêmes. Tout proche de la balustrade qui sépare de la rue rotonde de Weber sont plusieurs petites tables environnées de chaises de jardin. Là, on respire un air pur, on observe les allants et les venants, on est éloigné du bourdonnement cacophonique de ce maudit orchestre. C'est là que je viens m'asseoir, m'abandonnant au léger écart de mon imagination, qui m'amène sans cesse des figures amies avec lesquelles je cause à l'aventure, des arts, des sciences, et de tout ce qui fait la joie de l'homme. La masse des promeneurs passe devant moi, toujours plus épaisse, toujours plus mêlée, mais rien ne me trouble, rien ne m'enlève à mes amis fantastiques. Une aigre valse échappée des maudits instruments me rappelle quelquefois du pays des ombres. Je n'entends que la voix criarde des violons et de la clarinette qui braie. Elle monte et elle descend le long d'éternelles octaves qui me déchirent l'oreille. Et alors la douleur aiguë que je ressens m'arrache une exclamation et un volontaire. « Oh, les infernales octaves !» m'écriai-je un jour. J'entendis murmurer auprès de moi « Fâcheux destin, encore un chasseur d'octaves !» Je me levai et je m'aperçus qu'un homme avait pris place à la même table que moi. Il me regardait fixement et je ne pus à mon tour détacher mes regards des siens. Jamais je n'avais vu une tête et une figure qui eussent fait sur moi une impression aussi subite et aussi profonde. Un nez doucement aquilin regagnait un front large et ouvert, où des saillies fort apparentes s'élevaient au-dessus de deux sourcils épais et à demi argentés. Ils ombrageaient deux yeux étincelants, presque sauvages à force de feu. Des yeux d'adolescent jetaient sur un visage de 50 ans. Un menton gracieusement arrondi contrastait avec une bouche sévèrement fermée et un sourire involontaire que produisait le jeu des muscles, semblait protester contre la mélancolie répandue sur ce vaste front. Quelques boucles grises pendaient seulement derrière sa tête chauve et une large houppelande enveloppait sa haute et maigre stature. Dès que mes regards tombèrent sur cet homme, il baissa les yeux et reprit sa tâche, que mon exclamation avait sans doute interrompue. Elle consistait à secouer complaisamment de plusieurs petits cornets dans une grande tabatière du tabac qu'il arrosait de temps en temps de quelques gouttes de vin. La musique ayant cessé, je ne pus me défendre de lui adresser la parole. « Il est heureux que la musique se taise, lui dis-je. Elle n'était pas supportable. » Il me jeta un regard à la dérobée et versa son dernier cornet. « Il vaudrait mieux qu'on ne joue pas du tout que de jouer aussi mal, » repris-je. « N'êtes-vous pas de mon avis ?»« Je ne suis d'aucun avis, » dit-il. « Vous êtes musicien et connaisseur de profession ?» Vous vous trompez, je ne suis ni l'un ni l'autre. J'ai appris autrefois à jouer un peu de piano et de la contrebasse comme une chose qui tient à une bonne éducation, Et mon maître me disait que rien ne faisait plus mauvais effet qu'une voix de haut contre, procédant par octave vers la basse. Voilà mon autorité, je vous la donne pour ce qu'elle vaut. Vraiment? Répondit-il. Quittant alors son siège, il se dirigea lentement et d'un air pensif vers les musiciens, en levant à plusieurs reprises les yeux au ciel et se frappant le front avec la paume de sa main, comme quelqu'un qui voudrait éveiller en lui un souvenir. Je le vis de loin parler aux exécutants, qu'il traita avec une dignité hautaine. Il revint, et à peine eut-il repris sa place qu'on se mit à jouer l'ouverture d'Iphigénie en Eulide. Il écouta l'andante, les yeux à demi fermés et les bras croisés sur la table. Par un léger mouvement de son pied gauche, il marquait les intonations. Il releva la tête, jeta un regard derrière lui, étendit sur la table sa main gauche, dont les doigts ouverts semblaient plaquer un accord sur un piano, et éleva la droite en l'air. C'était un maître d'orchestre qui donnait le signal d'une autre mesure. Sa main droite retomba, et l'allegro commença. Une rougeur brûlante couvrit ses joues pâles, ses sourcils se rejoignirent entre les plis de son front, et une fureur divine dissipa le sourire forcé qui voltigeait autour de ses lèvres. Il se recula, ses sourcils se relevèrent, les muscles de ses joues se contractèrent de nouveau, ses yeux brillèrent, une expression de douleur couvrit ses traits. Son haleine s'échappa péniblement de sa poitrine. Des gouttes de sueur vinrent mouiller son front, et son doigt levé annonça le tutti et le morceau d'ensemble. Mais de la gauche, il tira son mouchoir et s'essuya le visage. C'est ainsi qu'il anima le squelette d'ouverture que nous offraient deux violons, qui lui donna de la chair et des couleurs. J'entendais les sons tendres et plaintifs de la flûte, dans ses tons ascendants. Lorsque la tempête des violons et des basses a cessé et que le tonnerre des timbales garde le silence, j'entendais les accents brefs et rapides des violoncelles, du hautbois qui exprime la douleur, jusqu'à ce que le tutti revenant tout à coup eût comme un géant écrasé toutes les plaintes et les douces lamentations sous ses pas cadencés et retentissants. L'ouverture était achevée. L'homme laissa tomber ses deux bras et resta les yeux fermés, comme quelqu'un dont une explication extrême a épuisé les forces. La bouteille qui se trouvait devant lui était vide. Je remplis son verre avec du vin de Bourgogne que je m'étais fait apporter. Je l'invitai à boire. Il but sans cérémonie et, vidant son verre d'un trait, il s'écria: Je suis content de l'exécution. L'orchestre s'est bravement comporté. Et cependant, repris-je, on ne nous a donné qu'une pâle esquisse d'un chef-d'œuvre composé des couleurs les plus éclatantes. Si je juge bien, vous n'êtes pas de Berlin. En effet, je ne suis ici que momentanément. Mais il fait froid. Si nous allions dans la salle. L'idée est bonne. Je ne vous connais pas, mais vous ne me connaissez pas non plus. Nous ne nous demanderons pas nos noms. Des noms sont souvent une chose embarrassante. Je bois avec vous du vin de Bourgogne qui ne me coûte rien. Nous sommes bien ensemble. Tout est au mieux. Il me dit ces paroles avec bonhomie. Nous étions entrés dans la salle. En s'asseyant, sa houppelande s'ouvrit et je remarquai avec surprise qu'il portait sous ce vêtement une veste brodée, une culotte de velours et une petite épée d'argent. Il boutonna sa houppelande avec soin. Pourquoi, lui dis-je, pourquoi m'avez-vous demandé si je suis de Berlin? Parce que dans ce cas, j'aurais été forcé de vous quitter. Cela est fort énigmatique. Nullement, si je vous dis que, eh bien, oui, je suis un compositeur. Je ne vous comprends pas encore. Alors pardonnez-moi ma question, car je vois que vous n'entendez rien, ni à Berlin, ni aux Berlinois. Il se leva et fit rapidement le tour de la chambre, puis il s'approcha de la fenêtre, et fredonna le cœur des prêtresses d'Iphigénie en torride, en s'accompagnant du bruit de ses doigts sur les vitres. Je remarquai avec étonnement qu'il y introduisait de nouvelles phrases musicales dont l'énergie m'agita. Il revint prendre sa place. J'étais singulièrement frappé des manières de son personnage et de son talent musical. Je gardais involontairement le silence. N'avez-vous jamais composé? M'a dit-il. Je me suis essayé dans cet art, mais j'ai trouvé que ce que j'écrivais dans mes moments d'enthousiasme me paraissait ensuite pâle et ennuyeux. Alors j'ai renoncé à ce travail. Vous avez eu tort, car c'est déjà bon signe que de n'être pas content de ses essais. On apprend la musique quand on est petit garçon, parce que papa et maman le veulent ainsi. Et dès lors, on racle et on clapote à plaisir. Mais tout doucement, l'âme devient sensible à la mélodie. Peut-être le thème à demi oublié d'un air qu'on chantait autrefois est-il la première idée qu'on est en propre? Et cet embryon, péniblement nourri par d'autres idées, également étrangères, devient un colosse. Ah, comment serait-il possible d'indiquer seulement les 1000 routes, manières dont on arrive à composer? C'est une large route où la foule se presse en s'agitant et en criant. Nous sommes élus, nous sommes au but. On arrive par une porte d'ivoire dans le royaume des rêveries. Il est peu d'hommes qui aient vu cette porte une seule fois. Il en est moins encore qui l'aient franchie. Là, tout est merveilleux. De folles images flottent, çà et là. Il en est sublime. Mais on ne les trouve qu'au-delà des portes d'ivoire. Il est encore plus difficile de sortir de cet empire. On y vogue, on y tourne, on y tourbillonne. Beaucoup de ces voyageurs oublient leurs rêves dans le pays des rêves. Ils deviennent eux-mêmes des ombres au milieu de tous ces brouillards. Quelques-uns s'éveillent et sentent, ils s'élèvent et gravissent ces cimes mobiles. Enfin, ils arrivent à la vérité. Le moment est venu. Il touche à ce qui est éternel, à ce qui est indicible. Voyez ce soleil, c'est le diapason d'où les accords semblables à des astres vous plongent et vous enveloppent dans des flots de lumière. Des langues de feu vous environnent et vous garrottent comme un nouveau-né, jusqu'à ce que Psyché vous dégage et vous entraîne au séjour de l'harmonie. À ces derniers mots, il se dressa sur ses pieds et leva les yeux vers le ciel. Puis il se remit à sa place et vida son verre que j'avais rempli. Nous étions seuls, un silence profond régnait autour de nous, et je me serais gardé de rompre, de crainte de troubler les méditations de cet homme extraordinaire. Enfin il reprit la parole, mais avec plus de calme. Quand je pénétrais dans ce vaste champ, j'étais poursuivi par 1000 anxiétés, par 1000 douleurs. Il était nuit, et des masques grimaçants venaient m'effrayer et s'accroupir autour de moi. Des spectres m'entraînaient jusqu'au fond des mers, et du même trait me ramenaient dans les plaines lumineuses du ciel. Tout redevenait ténèbres, et des éclairs perçaient la nuit, et ces éclairs étaient des tons d'une pureté admirable qui me berçaient doucement. Je me réveillais. Et je vis un œil vaste et limpide qui plongeait son regard dans une orgue. Et chaque fois que son éclatant rayon visuel colorait une des touches, il en sortait des accords magnifiques, tels que je n'en avais jamais ouï. Des flots de mélodie débordaient de toutes parts, et moi je nageais délicieusement dans ce frais torrent qui menaçait de m'engloutir. L'œil se dirigea vers moi et me soutint à la surface des ondes écumantes. Les ténèbres revinrent, alors deux géants couverts d'armures brillantes m'apparurent. C'était la basse fondamentale et la quinte. Ils m'entraînèrent de nouveau dans l'abîme, mais l'œil me souriait. « Je sais, dit-il, que ton cœur est animé de désir. La douce tierce va venir pour toi se placer entre ces deux colosses. Tu entendras sa voix légère et tu me reverras avec le cortège de mes mélodies. » Il se tut. Et vous revîtes cet œil divin? Oui, je le revis. Je me retrouvais dans le pays des songes. J'étais dans un vallon ravissant et les fleurs y chantaient ensemble. Un tournesol gardait le silence et inclinait tristement vers la tête son calice fermé. Un attrait irrésistible m'entraînait vers lui. Il releva sa tête. Le calice se rouvrit et du milieu de ses feuilles, je vis apparaître l'œil dont les regards étaient tournés vers moi. Alors s'échappèrent de mon front des sons harmonieux qui se répandaient au milieu des fleurs et semblaient les raviver. Elle les aspirait en frémissant, comme une pluie bienfaisante qui vient après une longue sécheresse. Des vapeurs odorantes s'élevèrent au milieu des fleurs et me plongèrent dans l'ivresse. Les feuilles du calice s'élevèrent au-dessus de ma tête et je perdis mes sens. À ces derniers mots, il se leva, mais s'échappa d'un pas rapide. J'attendis vainement son retour. Je résolus de regagner seul la ville. J'approchais déjà de la porte de Brandebourg, lorsque dans l'ombre, je vis marcher devant moi une longue figure que je reconnus pour mon original. Je lui adressai la parole. « Pourquoi m'avez-vous si brusquement quitté ?» Il commençait à faire trop chaud, et le fond commençait à résonner. « Je ne vous comprends pas. »« Tant mieux. »« Tant pis, car je voudrais bien vous comprendre. »« N'entendez-vous rien ?»« Rien. »« C'est passé. Marchons. »« Je n'aime pas beaucoup la compagnie, mais vous ne composez pas et vous n'êtes pas de Berlin. » Je ne puis deviner la cause de votre rancune pour les Berlinois, dans cette ville où on estime tant la musique et où on la cultive si généralement. Un homme tel que vous devrait se trouver très heureux. Vous êtes dans l'erreur. Pour mon tourment, je suis condamné à errer, comme un ange déchu dans une contrée déserte. Une contrée déserte, ici, à Berlin ? Oui, c'est un désert que ce lieu, car aucun esprit ne s'approche de moi. Je suis seul. Mais les artistes, les compositeurs, loin de moi ces gens-là. Ils griffonnent, raffinent, arrangent tout, jusqu'à ce que tout soit mignon et compassé. Ils mettent tout en branle pour trouver une misérable pensée. Et au bout de tous ces bavardages sur l'art et le génie des arts, ils ne peuvent arriver à produire. Ou bien, s'ils se sentent assez de cœur pour mettre une ou deux idées en lumière, la froideur glaciale de leur œuvre témoigne leur éloignement du soleil. C'est un travail de lapon. Votre jugement me semble trop rigoureux. Les belles représentations du théâtre doivent au moins vous satisfaire. J'avais pris sur moi d'aller encore une fois au théâtre pour entendre l'opéra de mon jeune ami. Comment se nomme-t-il, donc ? Ah, le monde entier est dans cet opéra. Les esprits de l'enfer se montrent tout au milieu de la foule, brillante des gens du monde. Tout y a une voix et un accent tout-puissant. Diable, je parle de Don Juan. Mais je ne pus assister jusqu'à la fin de l'ouverture, qui fut tripotée prestissimo, sans tact et sans âme. Et je m'étais préparé à l'entendre par le jeûne et par la prière. Si je dois convenir qu'ici, les chefs-d'œuvre de Mozart sont trop souvent négligés d'une manière coupable, du moins ceux de Gluck sont-ils représentés avec une pompe digne de leur mérite. Vous pensez ? J'ai voulu une fois entendre Iphigénie en tauride. En entrant au théâtre, je m'aperçois qu'on joue l'ouverture d'Iphigénie en Oolide. M, me dis-je, c'est une erreur. On donne cette Iphigénie-là. Mais je tombe de mon haut, en attendant arriver l'andante par lequel commence Iphigénie en tauride, et puis l'ouragan. Tout l'effet, toute l'exposition calculée du drame se trouve perdue. Une mer calme, une tempête. Les Grecs jetés sur le rivage, tout l'opéra est là. Quoi ? Le compositeur a-t-il écrit son ouverture sur un tambour pour qu'on la souffle comme on veut et où on veut, comme un morceau de trompette ? Je conviens de la faute, cependant on fait tout pour relever les ouvrages de Gluck. Oh oui, dit-il d'un ton bref et en souriant amèrement. Tout à coup, il repartit et rien ne put l'arrêter. En un instant, il disparut. Durant plusieurs jours, je le cherchais vainement dans le jardin botanique. Quelques mois s'étaient écoulés. Je m'étais attardé par une froide soirée pluvieuse dans un quartier éloigné, et je regagnais en toute hâte ma demeure, située dans la rue Frédéric. Mon chemin me conduisait devant le théâtre. La musique bruyante des timbales et des trompettes, que j'entendis en passant, me fit souvenir qu'on donnait l'Armide de Gluck, et j'étais sur le point d'entrer lorsqu'un singulier monologue, qui vint à moi au-dessous de la fenêtre, d'où l'on distinguait presque tous les tons de l'orchestre, fixa mon attention. « Voici que vient le roi. Il joue la marche. Roulez, roulez, timbales. Bien, vigoureusement. Oui, il faut recommencer ce trait 11 fois. Autrement, la marche ne serait plus une marche. Ah, maestoso. Graduez cela lentement, mes enfants. Voyez, voilà un violon qui traîne la semelle. Allons, reprenez pour la 2e fois et frappez toujours à la dominante. Maintenant, il fait son compliment. Armide le remercie gracieusement, encore une fois. Là, il manque encore 2 soldats. Maintenant, entrons vigoureusement dans le récitatif. Quel mauvais génie m'a attaché ici. L'enchantement est rompu, lui dis-je. Venez. Je pris par le bras mon original du jardin botanique, car ce n'était nul autre, et j'en entraînai avec moi. Il parut surpris et me suivit en silence, mais nous nous trouvions déjà dans la rue Frédéric, lorsqu'il s'arrêta tout à coup. « Je vous connais, dit-il, vous étiez au jardin botanique. » Nous parlâmes beaucoup. Je bus du vin qui m'échauffa. Ensuite, le fond résonna durant 2 jours. J'ai beaucoup souffert, mais c'est passé. Je me réjouis que le hasard m'ait ramené auprès de vous. Faisons plus ample connaissance. Je ne demeure pas loin d'ici. Si je ne puis aller chez personne, eh bien, vous ne m'échapperez pas, je vous suivrai. Alors vous aurez 100 pas à courir avec moi. Ne vouliez-vous pas aller au théâtre ? Je voulais entendre Armide, mais maintenant, vous entendrez Armide. Venez. Nous remontâmes silencieusement la Frédérickstrasse. Il prit vivement une petite rue latérale, et à peine pus-je le suivre, tant était-il couru rapidement jusqu'à ce qu'il fût enfin arrivé devant une maison de chétive apparence. Il frappait depuis longtemps lorsque la porte s'ouvrit enfin. En tâtonnant dans l'ombre, nous atteignîmes un escalier et parvînmes jusque dans une chambre de l'étage supérieur. Mon guide la referma avec soin. J'entendis ouvrir encore une porte. Bientôt, il reparut avec une lumière à la main qui me permit de distinguer ce lieu, dont le singulier arrangement ne me surprit pas peu. Des chaises antiques richement garnies, une horloge dans une grande boîte dorée et un large miroir entouré d'arabesques de forme massive donnaient à l'ensemble de l'ameublement l'aspect affligeant d'une splendeur ternie. Au milieu de la chambre se trouvait un petit piano sur lequel on voyait une grande écritoire de porcelaine et, non loin de là, quelques feuilles de papier réglées. Un second regard jeté sur ce petit établissement de compositeur me convainquit qu'on n'en avait pas fait usage depuis longtemps, car le papier avait entièrement jauni, et une épaisse toile d'araignée s'étendait sur toute la surface de l'écritoire. L'homme s'approcha d'une armoire placée dans l'angle de la chambre, et tira un rideau qui la masquait. Je vis alors une suite de grands livres, bien reliés, avec des inscriptions en lettres d'or, telles que « Orfeo »,« Armida »,« Alceste »,« Iphigénia ». Bref, je vis réunis à la fois toutes les chefs-d'œuvre de Gluck. « Vous possédez toute l'œuvre de Gluck » m'écriai-je. Il ne répondit rien, mais un sourire convulsif contracta sa bouche. Et le jeu des muscles de ses joues tombantes, mis tout à coup en mouvement, changea son visage en un masque chargé de plis. Les regards fixés sur moi, il saisit un des livres. c'était Armide, et s'avança d'un pas solennel vers le piano. Je l'ouvris vitement et j'en déployai le pupitre. Il sembla voir cette attention avec plaisir. Il ouvrit le livre, et quel fut mon étonnement! Je vis du papier réglé, et pas une note ne s'y trouvait écrite. Il me dit « Je vais jouer l'ouverture, tournez les feuillets et attends. » Je le promis, et il joua magnifiquement et en maître, à grands accords fortement plaqués, et presque conformément à la partition, le majestueux tempo di marcia par lequel commence l'ouverture. Mais l'allegro ne fut que parsemé des principales pensées de Gluck. Il y introduisit tant de phrases originales que mon étonnement s'accrut de plus en plus. Ses modulations étaient surtout frappantes et il savait rattacher à tant de variations brillantes le motif principal, qu'il semblait sans cesse rajeunir et paraître sous une forme nouvelle. Son visage était incandescent. Tantôt ses sourcils se rejoignaient et une fureur longtemps contenue semblait sur le point d'éclater, tantôt ses yeux remplis de larmes exprimaient une douleur profonde. Quelquefois, tandis que ses deux mains travaillaient d'ingénieuses variations, il chantait le thème avec une agréable voix de ténor. Puis il savait imiter d'une façon toute particulière avec sa voix le bruit sourd du roulement des timbales. Je tournai assidûment les feuillets en suivant ses regards. L'ouverture s'acheva, et il tomba dans son fauteuil, épuisé, les yeux fermés. Bientôt il se releva, et tournant plusieurs pages blanches de son livre, il dit d'une voix étouffée « Tout ceci, monsieur, je l'ai écrit en revenant du pays des rêves. Mais j'ai découvert à des profanes ce qui est sacré, et une main de glace s'est glissée dans ce cœur brûlant. Il ne s'est pas brisé, seulement j'ai été condamné à errer parmi les profanes, comme un esprit banni, sans forme, pour que personne ne me connaisse, jusqu'à ce que l'œil m'élève jusqu'à lui, sur son regard. Ah, chantons maintenant les scènes d'Armide. » Et il se mit à chanter la dernière scène d'Armide avec une expression qui pénétra jusqu'au fond de mon âme. Puis il s'éloigna sensiblement de la version originale. Sa musique était la scène de Gluck dans un plus haut degré de puissance. Tout ce que la haine, l'amour, le désespoir, la rage peuvent produire d'expressions fortes et animées, il le rendit dans toutes ses gradations. Sa voix semblait celle d'un jeune homme, et des cordes les plus basses, elles s'élevaient aux notes les plus éclatantes. Toutes mes fibres vibraient sous ses accords. J'étais hors de moi. Lorsqu'il eut terminé la scène, je me jetai dans ses bras, et je m'écriai d'une voix émue « Quel est donc votre pouvoir? Qui êtes-vous ?» Il se leva et me toisa d'un regard sévère et pénétrant, et au moment où je me disposais à répéter ma question, il avait disparu avec la lumière, me laissant dans l'obscurité la plus complète. J'étais seul, déjà depuis un quart d'heure. Je désespérais de le revoir et je cherchais en m'orientant sur la position du piano à gagner la porte lorsqu'il reparut tout à coup avec la lumière. Il portait un riche habit à la française, chargé de broderies, une belle veste de satin et une épée pendait à son côté. Je restai stupéfait. Il s'avança solennellement vers moi, me prit doucement la main et me dit en souriant d'un air singulier « Je suis le chevalier Gluck !»